Et Raymond Poirier est avec nous pour la chronique technologie d'information, la chronique TI. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on va commencer l'année en force parce qu'on va parler de Big Data. Effectivement, on s'était laissé l'année dernière en se disant, ça sera une des thématiques sur laquelle il faudra impérativement revenir en 2014. Eh bien, on se lance de facto, on se lance illico là-dedans. Pourquoi? Parce que je suis tombé au fil de mes pérégrinations web pendant le temps des fêtes sur une étude qui a été faite par l'atelier, en fait, pour le Forum d'Avignon 2013, qui était une grande réflexion sur différentes thématiques liées, entre autres, au Big Data. Et eux se sont posé des questions sur le pouvoir grandissant des données et dans le contexte de l'économie de la culture. Et si on parle d'économie de la culture, peut-être plus dans un sens de divertissement, mais quand même, on voit aussi, et au fil des constatations, voir que ça se généralise peut-être dans l'ensemble de l'industrie culturelle à proprement parler. Donc évidemment, petit rappel, petit mémorandum, données, donc la grande masse d'informations qui sont générées un peu partout sur le web, à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes, par un peu tout ce qui est connecté, partout, donc c'est immense, c'est des données qui sont brutes, comme une page web, une photo, une vidéo, une chanson digitalisée, c'est des données qui sont plus raffinées, la matrice de chiffres qui représente les liens entre les profils d'un réseau social, etc., etc., donc c'est très, très vaste. Et évidemment, tout ça fait que ça devient aussi un enjeu important dans la mesure où, comme on l'a dit à quelques reprises l'année dernière, ça va avoir une influence importante sur la manière de prendre des décisions, sur la manière de comprendre les choses et sur la manière aussi de promouvoir les éléments. Je pense, par exemple, à un organisme comme le Festival d'été qui est carrément sur toutes les plateformes possibles ou presque tous les réseaux sociaux. Ça a l'air sympathique comme ça, mais il recueille beaucoup de données aussi. Il recueille beaucoup de données et la question, c'est de voir un peu comment les utiliser. Et ça me donne envie de sauter justement un peu plus loin dans le rapport pour aller voir un peu justement le type d'initiative dans un contexte de promotion, dans un contexte de tourisme, d'une certaine façon. Donc, de quelle manière on est capable de bien l'utiliser? Donc, d'un côté, ce qu'on sait, c'est que toutes les industries culturelles doivent se préparer dans les années qui viennent à devenir des clients ces entreprises-là qui sont déjà présentes dans les réseaux sociaux ou sinon à développer leurs propres instances décisionnelles, leurs propres instances d'utilisation. Donc ça, c'est le grand portrait. Et c'est un portrait duquel, que ce soit un événement majeur, national, international, planétaire ou non, pour l'instant, ça reste aussi les questions que les organisations doivent se poser. Ce qu'on sait, de manière générale, peut-être portrait global, donc marché du Big Data est à 6,3 milliards de dollars en 2012. Ça va augmenter, c'est un marché qui est encore très jeune. On parle peut-être de 50 milliards de dollars pour 2018. Donc, il y aura de plus en plus de joueurs qui vont être là-dedans. Ça implique aussi que, pour l'instant, c'est seulement un nombre sélect d'entreprises qui est intégré dans le marché du Big Data, dans le marché décisionnel lié au Big Data, dans l'idée un peu de faire sens, entre guillemets, de toutes ces masses d'informations, de données qui sont là. Et donc, ce qui veut dire que, disons, à portée de main pour le commun des mortels, dans la mesure où c'est des services qui sont déjà en place, il y a Google et Facebook, auxquels on pense tout de suite, qui sont les dépositaires, finalement, de la majeure partie, peut-être, de l'information qui est disponible, à ça ajouter avec d'autres joueurs aussi qui gravitent un peu là-dedans, mais limitons-nous pour l'instant à Google et Facebook. Google, qui a une position dominante pour capter l'audience des internautes à la recherche d'informations, Facebook, qui a une position dominante pour capter l'audience des internautes qui sont enclins à communiquer depuis le web avec leur réseau social. Donc, on peut imaginer à peu près un 50% de l'audience planétaire qui se retrouve sur Google ou Facebook à un moment ou à un autre. Et donc, ça veut dire que ces deux organisations-là ont l'option de définir les règles du jeu de la publicité et de changer les règles du jeu. Donc, pour l'instant, on fait comme ce que Facebook et Google nous proposent. Et parallèlement, pour ces organisations-là, l'objectif, c'est aussi de trouver des manières de retenir dans la promotion culturelle les publicitaires, mais aussi les utilisateurs. Donc, ce qui amène, exemple, Google a lancé en 2012 le Knowledge Graph, donc dans l'idée qu'on n'ait pas besoin de faire une recherche Internet, de se retrouver sur un site d'un tiers pour aller trouver une information sur, exemple, qui était l'artiste, mais qu'on puisse le trouver via un site particulier de Google qui travaille justement à répondre à ce type d'informations et de demandes très, très précises. Mais Google le fait maintenant. On fait une recherche et déjà sur le côté de la page, il y a de l'information. On n'a pas besoin de cliquer sur, par exemple, Wikipédia ou autre chose. Exactement. Et c'est ça l'idée. Ils nous volent l'information. Et on a le service Internet de Google, le moteur de recherche. On a les documents, on a les courriels, on a donc ce Google Graph-là. On en a plusieurs autres. Éventuellement, Google Plus aussi dans les réseaux sociaux. Facebook le fait également, donc dans l'idée qu'on propose l'information, qu'on promouvoie aussi des événements, des produits culturels ou des produits tout court, avec les profils des gens, à partir des profils des gens, à partir des liens qu'ils choisissent de cliquer, à partir des recherches qu'ils font sur Internet et le reste. Donc ça, c'est des éléments qui existent déjà et qui sont disponibles. Et c'est un peu le cadre des règles du jeu qui ont été imposées à l'industrie culturelle au sens large, donc dans le contexte de la promotion web. Alors donc l'idée, de manière générale, à l'échelle actuelle, et c'est ce que dit le rapport de l'atelier, eh ben c'est pour les joueurs de trouver peut-être des manières de mettre à leur profit ces règles du jeu-là, de mettre à leur profit donc les outils sociaux et les outils de promotion sociale qui sont disponibles, dans la mesure où, pour contrebalancer ce type de pouvoir-là, qui est déjà en place, mais il faudrait quand même des masses et des masses de finances, de sous, d'argent pour réussir à développer d'autres produits. Donc, ça sera pas nécessairement le rôle de l'industrie culturelle. Son rôle, ça va être plutôt de trouver des manières de les utiliser et éventuellement, après ça, peut-être de suivre justement d'autres démarches qui seront proposées. Mais c'est un peu le problème de tout le monde, pas seulement l'industrie culturelle, de comment utiliser le big data. C'est un peu ça pour toutes les industries, finalement. Exactement. Et comment utiliser les corrélations aussi entre le big data? Parce que, pour l'instant, c'est un peu la première assise qui est parue évidente pour un peu tout le monde dans l'utilisation du big data, c'est l'idée du marketing. C'est l'idée de la publicité, de la vente, de la promotion, de la proposition d'activités, d'événements, de produits, d'informations. Donc, pour l'instant, tout le monde se lance un peu là-dedans. Donc, évidemment, la promotion de spectacles, comme on parle de goût, comme on parle d'intérêt, mais ça devient quand même... Je dirais pas facile, mais peut-être un peu plus facile à bien cibler, à bien localiser, à bien définir et à bien proposer. Évidemment, à ça, on en est venu à développer des plateformes particulières au niveau du jeu vidéo. Par exemple, on pense à tous les jeux de Zynga, Farmville en est le premier exemple, mais qui viennent jouer justement sur la notion de réseau social, sur la notion de connexion, qui mise sur nos connexions pour développer le réseau du jeu, pour développer des ventes à l'intérieur du jeu, pour après ça peut-être cibler aussi la promotion autour du jeu. Donc, ça devient un outil quand même assez avancé. Et l'exemple que le rapport de l'atelier nous donne, ils disent, mais regardez, c'est à ce point efficace que même des vieux joueurs de l'industrie du jeu, comme Electronic Arts, par exemple, qui commencent eux aussi à développer dans ce sens-là et que la notion sociale du jeu vidéo semble devenir de plus en plus imposante, importante, prédominante. Évidemment, elle remplacera pas nécessairement les autres, mais est en train de se faire une place quand même assez importante. Donc, il y a ça. Évidemment, pour l'industrie culturelle, je le mentionnais tout à l'heure, et ton exemple on revient un peu à l'exemple du festival d'été, après cette longue parenthèse. Donc, l'idée, c'est de voir maintenant, si on se limite au niveau marketing, mais de quelle manière on peut rapprocher peut-être les connaissances des acteurs territoriaux aux connaissances des acteurs culturels pour que l'un puisse servir à l'autre, pour qu'on puisse réussir à utiliser ces informations marketing-là qui existent, ces outils marketing-là qui existent, mais pour renforcer justement l'offre existante, pour mieux la faire connaître, pour mieux la développer, pour créer des nouveaux engouements. Il y a des expériences qui sont faites un peu partout, évidemment. En France, bon, puisque c'est un rapport français, nos exemples sont français, on parle d'une agence qui s'appelle Atout France, qui a mené une expérimentation pour estimer, à partir du partage de photos sur les réseaux sociaux, quels étaient les lieux de visite les plus populaires auprès des touristes étrangers. On fait y aller par provenance des touristes. On pouvait savoir que, par exemple, les touristes en provenance du Canada ou de l'Amérique du Nord avaient préféré tel lieu. Et donc, ensuite, de pouvoir dire d'un côté à l'industrie touristique française, mais voici les axes que vous devriez mettre de l'avant dans la promotion du territoire français auprès de tel public. Et les lieux eux-mêmes, de pouvoir leur dire, mais voici donc l'expérience patrimoniale que vous offrez sans semble plaire à tel public et vous avez les moyens de les rejoindre via tel outil. Donc ça, c'est un premier exemple. D'autres exemples, il y a le comité régional de tourisme de la Côte d'Azur avec l'opérateur de communication Orange qui avait mené une expérimentation pour quantifier et modéliser la présence et déplacements des visiteurs sur la Côte d'Azur à partir des données collectées depuis leur téléphone mobile. Donc l'idée, c'est de savoir où allaient les gens, vers où se déplaçaient les gens et essentiellement essayer de comprendre leur processus de prise de décision pour ensuite pouvoir gérer différemment l'offre touristique sur le territoire, rendre peut-être les lieux plus populaires, plus faciles d'accès, essayer de comprendre pourquoi certains lieux, certaines zones, certains types de commerce, peut-être certains secteurs étaient moins en demande et pouvoir apporter des correctifs. Mais est-ce que le Big Data finalement ne sert qu'à la promotion, la publicité, le marketing? Par exemple, dans cette industrie-là, parce que j'essaie de penser depuis tantôt, comment, par exemple, la culture ou le tourisme pourrait s'en servir autrement? Pour l'instant, en fait... C'est pas mal ça, c'est pas, hein? En fait, si je me fie à ce rapport-là et à d'autres éléments que j'ai pu lire au fil de la veille sur le web, ça se limite beaucoup à ça, dans la mesure où on est encore, on le disait tout à l'heure, sur une industrie qui est naissante, qui est quand même relativement récente, donc même si elle est très importante, et c'est le premier usage, c'est l'évidence. En fait, éventuellement, il faudra creuser pour développer d'autres éléments, pour les rendre peut-être aussi abordables à... plus facilement pour le commun des entreprises, qu'elles soient culturelles ou non. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de travaux de forage qui doivent être faits. Et on imagine, en fait, ces travaux-là sont faits par les 500 plus grandes entreprises au monde, mais c'est pas la PME locale, c'est pas le site touristique local ou le gouvernement local qui a nécessairement les moyens de mener à fond ce type de projet-là, en collaboration, évidemment, avec de la recherche privée et de la recherche universitaire. Donc, pour l'instant, on essaie de voir d'un côté comment on peut mieux... aller à la rencontre du public, mieux s'assurer que le produit qu'on est en train de créer peut aller à la rencontre de son public plutôt que de tous les publics. Et donc, on dit, ben, si on est en mesure de mieux comprendre l'utilisateur, de mieux comprendre le spectateur, de mieux comprendre l'usager, et ben plutôt que de lui offrir une offre globale, et ben on va pouvoir savoir que telle personne, en fonction de ses goûts, en fonction de ses déplacements, en fonction de son réseau social, et ben elle est en mesure de profiter de tel produit. Un peu comme le marketing ciblé le fait déjà sur Facebook, on peut aller quand même assez loin. Et ben l'idée, c'est de le répandre de manière la plus générale possible. Et parallèlement, ben, c'est dire aussi comment on peut maintenant bonifier les lieux. Exemple, Disney le fait avec un projet qui s'appelle My Magic Plus, qui vise à essayer de mieux faire, bon, si on permet l'anglicisme, un monitoring des activités, des déplacements des usagers de leur parc de divertissement pour bonifier l'expérience client. Donc, on dit, on a des datas sur les déplacements. À partir de ça, on a aussi des datas sur les individus, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est capable de combiner toutes ces informations-là pour avoir d'un côté un profil précis de nos visiteurs? Et parallèlement, un profil précis des déplacements de ces visiteurs-là à l'intérieur du site et de voir s'il y a une corrélation aussi, parce que encore là, ça permet de préciser l'expérience touristique. Il y a des services qui existent déjà. Bon, en juillet 2013, il y avait Yelp qui a lancé un service de cartographie en ligne pour visualiser les points chauds d'une ville par rapport à des mots-clés. Donc, au niveau de l'usage dans les réseaux sociaux, on fait un monitoring là-dessus. Sur Yelp, et on retrouve donc, exemple, si on fait restaurant, bar et le reste, on a, j'imagine, donc des points chauds, des éléments comme ça qui viennent s'afficher, qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer d'un lieu à l'autre, donc déjà cibler, bonifier, un peu faciliter leur expérience d'appropriation d'une ville, d'appropriation du territoire urbain, donc d'appropriation de la scène culturelle au sens large qu'on retrouve à l'intérieur de cette ville-là. Donc, ça sera intéressant à surveiller, évidemment, là, beaucoup de défis. Le data, la donnée qui est perçue peut-être surtout comme un vecteur de convergence. Donc, l'idée, je le répète, de réunir l'information pour bien savoir à qui on s'adresse et bien réussir à s'adresser justement aux gens qu'on a ciblés aussi. Donc, le big data qui sert entre autres à l'industrie culturelle, ça c'est une petite parcelle de ce qu'on pourra faire avec. Oui, et ce serait intéressant, comme tu le disais, de voir quels seront les autres usages que l'industrie culturelle pourra faire, parce qu'elle est génératrice de beaucoup, beaucoup de données également. Donc ça sera à surveiller, à explorer, je pense. Et peut-être, qui sait, au fil de l'année, on en saura un peu plus. Et oui, et peut-être qu'on aura réussi à l'utiliser, nous deux. Je sais pas. Mais pour l'instant, on va utiliser le web très simple. On peut entendre, entre autres, les chroniques que tu fais ici à l'émission. Oui, à itis.ulaval.ca. Ah, ça, on est capable de comprendre facilement ce qui se passe. Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'ITIS. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve la semaine prochaine.